Yes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Lily. Salut Nico. Here, Lily. Il y a trop de. Trop d'effets. Ça va pas. Qu'est-ce qui est trop fort? Tout. Moi. Yes, EDG is back. C'est en fait une sorte d'émission un petit peu. Ça devient une émission nécrophile, hein, presque. Puisque la dernière, c'était le 6 août pour l'anniversaire de la mort de Thierry Monnier. Et bon, voilà, cette nouvelle occurrence se produit la veille de la Toussaint. Donc, on a préféré. J'ai préféré. La célébration chrétienne, la célébration païenne qui est Halloween, n'est-ce pas? Voilà, bon, c'est le hasard. Mais c'est Halloween ce soir aussi. C'est Halloween ce soir, oui. Allez, sois un petit peu païen, Nico. Je suis païen, mais je pense surtout à la veille du lendemain. Bon, bref. Donc ce soir, une émission pour rendre honneur aux personnes disparues. Quelle qu'elle soit, sauf les affreuses. Donc on va passer des morceaux qui permettront toujours une sorte de recueillement et de mettre du sacré finalement dans ce moment païen, car je crois que voilà. Puis on va faire des lectures de gens proches disparu ou autre. Voilà, pendant 4 heures, je pense. Jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 2 heures. Jusqu'à 2 heures. 2 heures du matin. Du matin, pendant 4 heures. On sera donc le 1er novembre. On sera le 1er novembre. Là, on écoute en fond Scenes from Salad. Voilà, donc ça commence fort. X Cherry Cruz qui est sorti sur le label de PES que je salue au passage. Septembre 2003. Non, c'est pas possible. C'est sorti plus tard. Enregistré en 2016-2017. Voilà, on peut écouter ça ou tu veux mettre un morceau directement? Non, écoutons ça, c'est très bien. On écoute ça un petit peu, mais je crois que t'en arrives à la fin de la face. Voilà. Ils sont là se prolonger. Alors à la fin, si tu veux, je peux lire quelque chose. Tout de suite, tu veux lire? À la fin, ouais. À la fin du début de l'émission. Donc c'est la fin de Scenes from Salad, le début de l'émission. Ok, si tu veux. Laisse filer. Let's go, boiler room. Holographie du 16 novembre, un poème de mon père qui est écrit pour ses exécuteurs, j'imagine testamentaires, Jean-Claude et Eliette. Donc mon père est mort en 2000 et le poème date de 1988 et en plus le 16 novembre c'est l'anniversaire de Nicolas Murer. Oui. Enterrez-moi dans le cimetière des vieilles moissonneuses batteuses. Là-bas, du côté de Bois-Bretot, où les loups se vivaient devant. Confiez-moi aux entrailles très blanches de la terre, près de la maréchalerie, et bouillez. Oubliez-moi là, comme j'ai rêvé, avec mes mots rouillés, sous le ciel bleu Charente, et ce cœur qui fut souvent seul. Enfouissez-moi dans la patrie des ronces, puis retournez à vos occupations. Je veille. Merci. Merci Nicolas. Tu veux en lire un autre ou... Oui, il y en a un autre. Ça c'est un petit poème pour sa chatte Moon, qui était morte également. Enfin, qui est morte. Avant lui. Oui. Transhumance de la Moon. Maintenant que la mort t'a prise, le jardin n'a plus de limite. Il t'accompagne, dans l'absence, vers l'unique saison sans fin. Ma pharaone de gouttière, ma petite sphinx, ma bâtarde, trop tôt partie vers l'ailleurs, ma parleuse de vrai silence, attends-moi là où j'ai voulu mener mon troupeau d'écriture. Merci. Merci. Thank you. question. Mark Van Fleet de Columbus, Ohio, The Night Scrivener, une cassette sortie sur Jungle Crank. Voilà, il n'y a pas d'année. Mark Van Fleet qui jouait dans Swarm Devon, voilà, que je salue aussi au passage si un jour il m'écoute. Il doit bien s'amuser aujourd'hui, car les Américains adorent Halloween. Apparemment, la consommation a explosé des objets d'Halloween. Oui. Plus de 2 milliards de plus d'euros que l'année dernière en objets spécifiques. Halloween. Tu voulais passer un morceau, Lily ? Oui, je voudrais passer... Je vais passer Gangsta Boo. Parce yes. qu'elle est morte cette année, au mois de janvier, je crois, le 1er janvier. Enfin, dans la nuit du 31 au 1er. Yes. Voilà, Gangsta Boo, une rappeuse de Memphis. Là, je vais passer Gangsta Boo toute seule, puis après, un petit peu plus tard dans la soirée, je passerai Gangsta Boo et... Enfin, elle est toujours avec des gens, elle n'est jamais seule, never alone. Mais après, ce sera avec Gangsta Boo et la chat. Mais là, c'est personnel, et puis après, il y aura un autre petit bout de morceau, peut-être. Walk up to the corner, throw your dough and bang. Kick it down the fucking ceiling, snatch it off the mag. This is bird, so don't be so we don't beat the tank. But you niggas what we need, so throw it to your aunt. Walk up to your corner, throw your dough and bang. Kick it down the fucking ceiling, snatch it off the mag. This is bird, so don't be so we don't beat the tank. But you niggas what we need, so throw it to your aunt. The blaze is starting from us, as the sun is blinding. Pull up. your ass. Nicky knack, belly whack, slap a chick in the back with your gat. Newspaper red, just another black. Dead as a dope knob, love once they weep and sob. Probably said, we got a nigga saying, fuck a job. Stealing rob, getting up on some dope. The mentality of a black male, if he dies, that's a casualty. It'll be even worse at times in the days to come. Bigger blunts to blaze, so you best pack a bigger gun. Give me some, give me some. Drop it off, you selfish bitch. Motto of a killer when he's out there trying to take your shit. Project spit, nothing but the real. So my niggas feel where I'm coming from. Southside, out the ghetto slum. With them guns, always staying cocked. Where them killers hang. Players slanging rocks all day long. Where young niggas bang. When you sang like canaries do, then you do my niggas. Slugs coming right through your dope. Hitting you, you dig. Walk up to your house, knock on your door and bang. Kicking down your fucking shit and snatching off the bags. This is purse, ain't no bitch, so we gon' need the cash. What you niggas want with me? To torture your ass. Walk up to your house, knock on your door and bang. Kicking down your fucking shit and snatching off the bags. This is purse, ain't no bitch, so we gon' need the cash. What you niggas want with me? To torture your ass. I'm that fool that's everlasting like the M.O.B. And I'm the fool to quickly blast if you fuck with me. And if you ask me where I'm from, I tell you evergreen. And if you ask me why I'm slum, it's just a licking me. I'm bumping cops, I'll fit my change again and hide you from the sound. You see DJ lays the track, we blowing up a trick, not down. Digging up lyrics from the past, I'm making bitches pay the cost. You been taking a kind of loss, I've been seen Mac the underboss. With the killer Kankazi, ready to ride and do what needs to be done. The Triple Six Mafia and Prophet Posse, Emo, he's still a fucking son. I'll be done in a second before you ask who we gotta attack him. What's the conclusion from all this shit? I really don't know, I guess we'll whack him. Let this 12 engage. Automatic gun fly, when your time to die. Left you in a coma, fucking up with busters in these streets. Got your nation. Your affiliation with the road clicker motherfuckers got annihilation on your program. Who's the man with the master plot? Fresh about the pen once again with the mask and Glock. Shot your point blank range, feeling strange, put the ass in shot. Project got an answer for you bitches, pass closing shop. Nigga, nigga, what you wanna do? Put your pussy ass through, tryna get a load of boo. I be the one to bring the pain, bring the rain on a sunny day. Smiling in your face, me mugging with a pistol play. Mug your bitches out to hate man, I'm self-explanatory. Now I leave you wet, like a fat pussy in a orgy. Snatch your fucking soul, I'm the coldest in the winter, ho. Mess with me, you die, you can't tango with my 44. Drinking on some Henny, VSOP and be in me, bitch. Smoking on some weed, 100% it be fire, bitch. What you trying to do? Gangstabou, ben voilà, elle est morte d'une overdose. Son frère, il a pris la même drogue qu'elle, mais lui, il a juste été à l'hôpital. Là, ben, j'aime bien ce dernier track là, parce qu'en fait, on se dit, ah ben, on l'entend pas beaucoup, du coup, on se dit, soit elle est écrasée par le gang des Swissix, ou alors c'est une productrice, tu vois, et du coup elle arrive à la fin, bah voilà, elle manque beaucoup. J'avais lu un truc d'un mec qui disait qu'elle ressemble à une conductrice de bus. Hey, et ben je trouve ça cool, quoi. Bon, c'est tout, vas-y, raconte des trucs, parce que moi... Ah non, j'ai rien à dire, moi. Sur les morts, j'ai pas des bonnes... Ah ben, je sais pas. Qu'on dit quoi? Élégie? Élélogie? Élégie, ouais. Élégie. Moi, j'ai pas d'élégie. J'ai pas de bonnes élégies. Élégie, c'est les morceaux que je passe. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Alors là, tu vas passer quoi, Nico? Là, c'est une track que j'ai faite, moi. Voilà. Right. Qui, normalement, est mélangée avec d'autres morceaux. Ah, d'accord. C'est une sorte de live cassette en direct. Alors on dit que c'est homélie, c'est pas élégie. Ouais, c'est homélie. Ça c'est mon micro, attends, je remonte un petit. Ça c'est pas ton micro, c'est ton casque. Ouais, mon casque. Ah, je confonds le casque et le micro. Putain, je suis nul en radio, moi. Très long. J'ai peur, moi. Ah, mais... quelque chose, Lily? Lire ou dire? Lire. Lire, oui, d'accord. Sans musique? Non, la musique, c'est pas mal. Je baisse un peu. Ouais. Alors, j'ai préparé des petits trucs. Je vais lire un texte. Ça va être un petit peu long, c'est bien si tu mets un peu de musique. Ouais. Je vais lire un texte de Jean Genet, extrait de Un captif amoureux, donc qui est un livre écrit beaucoup au sujet de ses séjours brefs en Palestine. Une cocotte, un bateau, un oiseau, une flèche en papier ou un avion, tel qu'en font les écoliers dans leur pupitre, quand on les déploie doucement, redeviennent la page d'un journal ou une feuille blanche. La peine, je l'ai avec les musaraignes, le parcours de la peine, des hanches ensanglantées. Je ne peux croire qu'on s'aime. Désolé pour le petit hiatus. Mon ordi a planté tout simplement. C'était donc un titre de Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat qui est mort cette année. Cette année ou l'année dernière? Cette année. Et comme je disais hors antenne, c'est incroyable la mort de Jean-Louis Murat, puisqu'on s'attendait, on le décrivait comme un Auvergnat robuste et solide. Et finalement, il est mort assez jeune. Voilà. Que dire de plus? Comme quoi. Et c'est les morceaux qu'on a écoutés viennent de. Enfin, qu'on a écouté, qu'on a essayé d'écouter. Donc il y avait eu En Nouveau avant la rupture. Avant la coupure plutôt. Puis là, ce qu'on écoutait, c'est L'Infidèle et c'est Le Parcours de la Peine qui passe. C'est le premier album de. Non, c'est pas le premier album. C'est son album le plus connu, Le Manteau de Pluie. Avec le morceau, un morceau assez célèbre, il me semble, Le Lien des Fers. Ah oui. Voilà. Oui, d'ailleurs qui est, je ne sais plus dans quel film de Claire Denis. Ah bon? Ouais. Le film avec que c'est Vincent Lindon sur... Non, je pense que c'est le film sur Beau travail, le tueur Thierry Paulin. Je pense, hein. Peut-être pas. Parce qu'elle est fan de Murat et Tindersticks, and that's it. Mais bon, plus que fan, hein, puisqu'ils ont même composé la musique de Trouble and Day. Ah oui, c'est ça qu'elle aime. Mais je crois que c'est dans le film sur Thierry Paulin qui s'appelle, je ne sais plus, si quelqu'un sur le chat peut nous le dire. Ouais, merci. C'est le premier film. Eh ben. On va demander... Attends. Une personne disparue. Ouais, demandons la. Posons des questions aux morts, par exemple. Alors, à qui tu veux poser une question, Nico? À brûle pour point, comme ça. J'aimerais poser une question à ma grand-mère. D'accord, vas-y. Elle saura pas pour le film de Claire Denis, je pense. Ah bon? Bah. Ah oui. Alors, quelle question? Alors, un jour, j'ai discuté avec ma grand-mère. Sur le lac au bord du lac des Rousses. Mmh. Et en fait, Elle croyait en Dieu. Et je lui ai dit que je ne croyais pas en Dieu. Et en fait, elle était une forme de croyance en Dieu. Pardon. C'est trop. C'est, wow. C'est très. C'est trop chrétien pour ce genre de mission. C'est un petit peu chrétien. Pardon. Pardon. Désolé, c'est le souvenir le plus vivace que j'ai de ma grand-mère. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, désolé. Non, non, c'est bien. Moi, j'ai commencé avec mon père. Chacun son... alors moi, chacun ses morts, j'ai envie de dire. Je propose... Quelles sont vos morts préférées? Alors, mort préférée... Mort préférée... On peut écouter Maya si vous voulez, si tu veux. Non mais bien sûr. Hein. Morte préférée. On va écouter un petit morceau de rap de Maya, une amie, Maya Izufulkie, aussi connue sous le nom de Zelda Vainon. Voilà, rappeuse, artiste, photographe. Travailleuse du sexe, porte-parole pendant quelques temps du syndicat des travailleuses du sexe à Marseille. Et elle a écrit ça. Elle est morte en 2019. Strasse-Marseille, je crois, ouais. Je ne suis pas sûre de ces éléments de sa biographie. Elle est morte en 2019, début décembre, je ne sais plus exactement quel jour. Maya s'est suicidée, c'est important de le dire. Et voilà, c'est rendez-vous sur la 7. Éteins ton internet. Rejoins-moi, je vais te faire ta fête. Vas-y, oublie ton porte-monnaie. J'ai des valises pleines de billets. On ira faire les cons, on ira sentir les fleurs au milieu du béton. On ira refaire le monde, on ira traîner sur les routes comme de vagabonds. On sera les enfants terribles. Notre amour comme un combustible. Bonnie et Clyde, on sera crédible. Inadmissible, incorrigible. Toi et moi sur l'autoroute. Le bide a l'air en plein mois d'août. T'inquiète bébé, regarde-moi. Fais-moi confiance, on prendra 10 cas. De bourrelets, de billets. Et de followers sur Insta. On se fera pardonner. Tous nos excès, tout notre cœur. On ira faire les cons, on ira. On ira refaire le monde, on ira. Traîner sur les routes comme des vagabonds. Rendez-vous sur la 7. Toi le café, moi les toilettes. Il faut que j'aille me taper un rail. Tu sais si j'ai pas ma cam, j'déraille. On sera les enfants terribles. Notre amour comme un combustible. Bonnie et Clyde, on sera crédible. Tellement fort que tout paraîtra risible. Appuie sur l'accélérateur. Tu sais bébé, moi j'ai pas peur. Je demande rien si t'es content, moi je suis bien. J'ai tout perdu il y a très longtemps. Thank you. Toujours un peu. Nico, I don't have. Oh, yeah, I have that now. Thank you. Un peu amateur, n'est-ce pas? Yes. Désolé. C'est assez, je trouve. C'est très, très, très amateur. Amateur hour. Sorry, c'était Steely Dan, Ricky, Don't Lose My Number, de l'album Pretzel Logic. Pourquoi je l'ai mis? Parce que Walter Becker est mort, n'est-ce pas? Eh oui. Bon, c'est pas une émission où on recense tous les morts. Si, si. C'est je croyais que c'était le thème, j'ai pas compris. Mais oui, mais il faudrait plus de 4 heures, hein, n'est-ce pas? Bon, nos morts. Des morts de choix. Nos morts de choix. C'est quoi l'histoire de Ricky? Eh bien, justement, c'était un sujet que j'allais aborder pour illustrer cet intermède, cet interlude. Effectivement, quelle est l'histoire de Ricky? Donc, comme toutes les paroles de Steely Dan, elles sont. Et il y a cette réputation un petit peu sulfureuse de Steely Dan comme étant des sortes d'intellectuels décadents, un peu junkies, et comme quoi toutes les histoires qu'il raconte tournent un peu autour de la drogue. Voilà, donc Ricky Don't Lose My Number. Apparemment, certains disent que ce serait le numéro d'un dealer, mais en fait, il s'agit tout simplement du numéro de quelqu'un qui serait aimé. Voilà. et qui... Aimer. Aimer, ouais, voilà, qui okay. faudrait appeler une fois que les choses se sont tassées et que ça va mieux. Voilà. C'est ce que j'ai lu plusieurs interprétations, et c'est cette dernière interprétation qui m'a semblé la moins, on va dire, la plus plausible, car la plus normale, on va dire. Voilà, bon, il y a plein de... Moi, je suis pas un exégète de style, enfin, j'ai pas acheté des livres. Il y a des livres entiers qui essayent de décrypter leurs paroles. Voilà, Walter Becker était malgré tout un héroïnomane. A priori, il est mort de ça, mais c'est pas tellement sûr non plus. Voilà. Il y a même des livres sur le rap qui parlent de Steely Dan, ça c'est pas mal. Ouais. Can't Stop, Won't Stop, notamment. Il y a tout un chapitre sur Steely Dan dans le développement de ce livre sur la drogue, en fait, ce qu'elle va faire au rap. C'est-à-dire même le nom Steely Dan vient d'un roman de William Burroughs. C'est un godemiché qui s'appelle Steely Dan. Oh, wow. Déjà, ça donne une tonalité plutôt... un gang. Plutôt... quoi ? Un gang. Non, pas un gang, mais William Burroughs, le junkie, enfin voilà. Ça donne une atmosphère plutôt... Voilà, Walter Becker que je regrette, et Donald Fagen qui a fait des albums solo, bon, plutôt il y a 20 ans, 15 ans, absolument excellent, voilà, qui est toujours vivant, lui. Mais bon. Allez, parlons des morts, et puis Steely Dan, on en parlera une autre fois. Mais Steely Dan, c'est à moitié mort, puisque Walter Becker... Ah bah oui, voilà. Ah bah ouais, j'avais pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais un morceau, toi, je sais pas. Ah ouais, bon, je vais mettre un truc un peu Halloween, alors. Bon, c'est un vieux truc de Cool Keith, ça donnera l'ambiance Halloween. Allez, on repart dans Halloween. Il y a deux morceaux qui passent. Me. Yeah, it's all good, they call me Jack, come take a walk with me. I grab him by his hand, let him touch a little ass. Our conversation good, we only talking dope and cash. I'm about that money, you ain't got no money, nothing, honey. And you gon' give me what I want, you don't get nothing from me. You niggas call, that's why I stick and move, I steal and rob. You want some love, I want your cheddar and your credit cards. And I don't fuck out with the help, I only fuck with bosses. That nigga that got so much, he never recognizes losses. It's a sweet robbery, drop it off your ass now. When you see them guns, pussy nigga better lay it down. Drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off. This a sweet robbery, drop it off your ass now. When you see them guns, pussy nigga better lay it down. Drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off. I met and fell in love with this boy who played my heart like a motherfucking toy. It didn't matter, I was in, took him back again and again. Then this nigga had fucked my friend, bitch went straight but this tied off again. I thought it was cool, but we wasn't, we just grew up probably like we're cousins. So when I saw her, it was nothing, she tried to tell me that the nigga had dogged her. I was quiet cause I ain't a talker, I'm looking at this all and she a motherfucking stalker. So I asked her, would she rob him, she said yes, I'm the best. Proving that you can't be trusting bitches in the street, shit. Now since you done crossed me, I'ma set your ass up. Since you wanna fuck my friend, we gon' pluck you like a. Ain't no love in my heart, put this pistol to your front. Sweet robbery, it's a sweet robbery, drop it off your ass now. When you see them guns, pussy nigga better lay it down. Drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off. This a sweet robbery, drop it off your ass now. When you see them guns, pussy nigga better lay it down. Drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off, drop it off. Rich shit, rich shit. We'll be right back. Ricky, don't lose my number. Ah non, c'était pas ça. Mais non. C'était le morceau d'avant. Enfin, Nico. Ah, on peut pas être au top tout le temps, quoi. Alors, après Gangsta Boo et la chat. Alors oui, Robbery. Avant il y avait The Undertakers, donc voilà, c'est un concept album. C'est un concept morceau. De Cool Keith and The Undertakers, bon, c'est des Undertakers, c'est des morts-vivants, donc des gens qui sortent de leur tombe. Il y a toute une embrouille avec un TD. Oui, c'est des croque-morts, mais il y a aussi des morts-vivants, je crois, dans le disque. Et il y a aussi un preacher man, un curé, un prêtre très arnaqueur. Comme on a, tu vois, un peu dans les romans de Iceberg Slim, non, il n'y a pas des trucs comme ça où il raconte que sa mère, elle s'est fait arnaquer par des prêtres malhonnêtes. Bon, bref, enfin voilà, une figure classique de la littérature. Ouais. Non, les prêtres malhonnêtes. Merci, Old, de nous rectifier. Ah, que dit Old ? Ah oui, les croque-morts. Ben, merci beaucoup. Mais bon, il y a aussi des morts-vivants, mais je sais plus trop. Enfin, je sais pas, bon, c'est une histoire. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, oui, c'est le prêtre arnaqueur. Et après, c'était Sweet Robbery, donc de Gangsta Boo et La Chat. Voilà, et ensuite, c'était un morceau de La Morte Young, donc qui est bien sûr un groupe hommage, irrévérence, à la fois hommage et irrévérence à La Morte Young, composé de 6 musiciens. Pierre Faure, Thierry Monnier, Eric Lombard, Joël, je ne sais plus son nom, et quelqu'un d'autre, Christian Malfray, et Thierry Monnier, je l'ai déjà dit. Et Thierry Monnier, voilà. Disparu en août 2022. Voilà, c'est une cassette sortie sur Badabing, voilà. Qui est le label de Michael Morley, si je ne m'abuse. Donc Thierry Monnier, ben oui, c'était le normalement c'était l'émission lui était cette émission lui était dédiée. Quelle émission ? Elle lui est dédiée quand même, non ? Ben oui, oui, c'est ce que j'ai dit au début en fait, hein, de les entretiens de Grenoble devient une rubrique. L'année prochaine, il y aura une émission spéciale Jean-Charles. Il y a d'autres personnes qui vont mourir en plus entre temps, donc ça fait la queue là. Bien sûr. Ouais. Who's next? Alors, est-ce que tu as un petit morceau à passer ou... Alors, bah, si tu veux, je peux mettre un truc. Bon, pour revenir à... Bah, puisqu'en plus, on a eu des demandes. Alors, moi, je vais... Et ensuite, on va enchaîner. Enfin, on va mettre deux, trois. C'est très court, hein, les morceaux de Colette Mani. Donc, morceau de 69, je crois, ou 67. Enfin, je ne sais pas très bien. Vietnam 67, ça doit être de 67. On y va. Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Vietnam 67. Van Tien Dung m'a dit, viens, donne-moi la main. Tu verras, ici c'est la guerre des vélos. Alors camarade, ton vélo est renforcé. Alors camarade, avec 300 kilos de vivres et munitions, tu vas pouvoir nous ravitailler. Mes camarades, tous les ponts sont coupés. Oui mes camarades, la nuit dernière on les a tous remplacés. Nous ne nous laisserons pas intimider. Il y a bien longtemps, pour l'air sage du matin. Il y a bien longtemps, pour les repiquages du soir. Nous étions deux dans la rizière. Mais une nuit, mon mari fut emmené avec 400 000 hommes et leurs bombardiers. Avec 400 000 hommes et leurs gaz toxiques. La défaite militaire suivra l'échec politique. Nos paysans dressaient les abeilles sauvages au combat. Nous sommes toujours là. Alors maintenant, Mara, les accords de Genève. Alors maintenant, Mara, vous n'avez donc rien à en faire. Ho Chi Minh vous l'a dit, nous ne nous laisserons pas intimider. Vietnam 67, longue vie au peuple vietnamien. Nul doute que la preuve ne se tienne sans réserve au commencement, pour qui cherche à savoir. Et que la lumière ne commence qu'à l'aveuglement de la décision qui sépare le ciel de la terre. L'un et l'autre pôle s'envenimèrent, formés au ventre de la nuit, s'arrondirent la lune et le soleil. L'homme fut fait, foudre sombre tombée au travers de la plage. Dans un embrasement de maudits, reconquérant l'espace avec le temps, vécu qui maintenant fluait à l'origine. David Reed, toujours Columbus, Ohio, live à The Embassy in Cleveland, enregistré en 2007. Alors Jason Zay, si je m'abuse, c'est plutôt le David Reed, c'est le côté synthétiseur. Voilà, c'est une split tape avec Sword Heaven. C'est très beau. Tous ces gens ne sont pas morts. Hein. Merci de rester avec nous, c'est les entretiens de Grenoble. Spéciaux Mortsk. Alors comme c'est spéciales Mortes, je voudrais écouter les Kinder Toten Lieder, donc les chants pour les enfants morts. Peut-être on en écoutera deux, on verra si on en a marre ou pas. Donc c'est chanté par Kathleen Ferrier, qui est aussi une grande cantatrice, un peu comme la Callas, qui est morte très jeune. Et donc c'est Mahler qui a écrit ça. Alors je me souviens plus très bien, mais je crois qu'il a écrit ça dans un moment où il avait lui-même... il perdait ses enfants, je crois, ou quelqu'un, ou peut-être il a perdu un enfant, sa femme est malade... Et donc le premier lead, je ne sais pas trop comment on dit, in diesem Wetter en ces temps, donc en ces temps atroces. Voilà. Allez hop, on balance. Balance. Je balance. Ça va se superposer un peu, c'est très bien. Die Kinder hinaus. Yes. Alors, je... Les entretiens Grenoble. Mox. Alors, en fait, l'histoire, c'est que Gustav Mahler a écrit les Kinder Totenlieder en pensant à sa petite fille qui était morte de la scarlatine. Et Alma Mahler lui en a beaucoup voulu d'avoir écrit ses chants. Et je ne commenterai pas cette... relation de couple, mais je vais lire un petit extrait. Yes, un texte. Un petit bout de très très court. Un tu texte veux, de Lilo Zano. Non, la musique c'est super, j'adore. Lilo Zano. J'aime ouais. La musique. Lilo Zano. Dont il y a une retrospective à la Bourse du Commerce. C'est très bien de faire de la pub pour la Bourse du Commerce, mon chéri, bravo. Ouais. Super. Donc il a écrit beaucoup de Corneille. She wrote book. Et alors voici, j'ai pas la traduction française, mais ça a à voir avec le. C'est en allemand du coup. Ce n'est pas en allemand. Make solitude valuable. Make children rare and precious. We must be more selective about what matter we create. Woman. Release yourself from the drain of bearing children. give your energy to the world in more modern ways. All right. All right. Yes. What's next? C'est tout. Ah oui, ok. Ah oui, non, c'est très très court. Hein. Et ben, je pensais mettre un morceau de... Hein. Ah oui, je pensais qu'il était plus long. Et donc j'avais ce morceau de fond et je pensais mettre un morceau de Susan Clark. Great. It's a short song. I thought it was longer because it seems longer on my. Anyway, c'était Susan Clark, un groupe composé de plusieurs personnes, dont Jean-Charles Delarue et ses cousins, il me semble, les deux cousins, je ne sais pas, les quatre membres du groupe. C'est un family band et Jean-Charles Delarue est mort en février 2023. Yes. Donc il y aura une émission spéciale, Jean-Charles, en février 2023. Parmi les morts proches dont on parle ce soir, c'est notre mort le plus récent. Oui. Don't be afraid of things, Nicolas. Non, mais j'avoue, c'est le... Voilà. Ah non, non. Ouais, Jean-Charles, si tu nous écoutes... Eh bien, sache qu'on pense à toi. Je pense à toi, Jean-Charles. Alors, j'ai un petit texte à vous lire. Vite fait. Hein. C'est un... Comment ça s'appelle ? Obituary, comme on dit en français. Une rubrique nécrologique ? Non, ben non, justement, c'est un hommage aux morts. Donc, alors, c'est Grégory... Une homélie. Voilà. On est toujours dans une période assez ancienne de l'histoire de l'art... qui n'a pas continué sa carrière. Donc il est mort en 69. Ouais, c'est bien la musique. Il est mort en 69 dans un accident de voiture avec sa mère au Kansas, où il était retourné après avoir été dégoûté par le monde de l'art new-yorkais et son indifférence au conflit au Vietnam. Alors, Gene Swenson, the 35-year-old art critic, was killed in an auto wreck in Kansas in August 1969. Well before then, he had become the most controversial and talked about art writer of his generation. Swenson attempted to bring contemporary art into the mainstream of political and social protest. He saw art and art criticism as a vehicle for improving the lot and the awareness of man. His actions first became gossip, then legend. His trip to the United Nations to obtain international citizenship, his shouting matches with art dealers and publishers, his picketing at the Museum of Modern Art in the winter of 1968-69, carrying a huge question mark. He had been in and out of Bellevue, c'est un hôpital psychiatrique à New York, and many thought him crazy. But he was articulate and implacable in his efforts to remind artists and intellectuals of their social and political responsibilities. In these times, he wrote toward the end of the 60s, when so many are suffering so much, we cannot spend a little more time sharing in their suffering. That might affect our art, which in turn could affect men's hearts and soul. I'm not advocating social realism, etc., etc. I could continue, but... Do continue. Non, c'est un peu ennuyeux, c'est l'histoire de l'art. Ah bon? His writing became radicalized. C'est l'anti-histoire de l'art. Because, oui, parce qu'il est devenu un peu... Les gens pensaient qu'il était fou, mais il n'était pas fou du tout. Pas fou du tout, et c'était juste un très bon historien de l'art qui s'est un petit peu marginalisé. D'une part, il prenait beaucoup de drogue, mais ça, c'est pas grave. Et d'autre part, il s'est positionné politiquement. Et évidemment, il a subi beaucoup de critiques. It also took on a deliberately anti-intellectual. Il était anti-intellectuel. And a folksy tone. Il était très queer et très drôle. In a letter to Arts Magazine in 1969, saying Gene Swenson, Gene Kansas Swenson, alors parce qu'il faisait des blagues sur le fait qu'il était retourné au Kansas, he wrote, I'm just a simple country boy from Kansas. I take everything kind of personally. Jackson Pollock, quelqu'un qu'il détestait parce que c'était un gros macho, must have been quite a guy, a real artist, and learned a lot from these Eastern intellectuals. I think I understand all that stuff they write about Pollock, the way their skeins relate to the picture plane, the way the cutouts were a real step forward, all that stuff. I'm sure Pollock would have appreciated it too, even if he did come from Wyoming. People tell me Pollock was a little uncouth. It came out especially when he got drunk. As they say, he wore cowboy boots and tried to look Western, even though everybody knew he was picturally sophisticated. Anyway, I got this image and then I looked at those other little highfalutin classical subjects, and you know what I wanted to say to him? Pacify my ass, come off it, Jackson. Now I know I must be wrong. So much has been written by people who are much more intellectual than I am, and people who have degrees and know art history better than me. He deliberately... Alors là, on revient à Gregory Badcock qui parle de Gene Swenson. He deliberately ridicules the posture of official art writing by including small-town rural dialect. Anyway, here I was going along in the Pollock show, da-da-di-da-da-da-da-da-da. Mais oui, du coup, ça me fait penser un peu à J.C. Anyway, ben oui, parce que c'était un provincial guy. He was a provincial guy, like all of us. All of us. Oui, mais il était dans le monde de l'art, Gene Swenson. Ben oui, ben voilà, bon, désolé, moi j'ai un peu du monde de l'art. C'est toujours une sorte de coin nerveux quand tu fais, enfin, de concilier, je sais pas, un engagement politique et un engagement artistique. Enfin bon, bref. C'est un point nerveux. C'est un coin nerveux, je dis. Alors. C'est-à-dire que c'est difficilement. Mais il y a une sorte de tension permanente, puisque on a l'impression que les deux choses s'annulent. Ontologiquement, j'ai envie de dire. Bon, bref. Super. Merci pour ce texte. C'était juste un petit bout, j'avais pas bien sélectionné les parties. Martyr du. Yet another martyr. Our dead martyr. Qui parmi nous peut se sacrifier pour les morts? Nous, on est. Ah non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu veux mettre un truc? On peut mettre ce morceau là très long. Ce morceau très long, on met pas un autre morceau de JC? Si on peut, ouais. Allez, un petit morceau de JC, allez. JC is a martyr of some kind. I see you tonight. Cause there is non, non, non. Ok. Je peux pas mettre ce morceau, désolé. Switch off my mic. Ah oui, vas-y, balance. La symétrie des fruits, le bruit des poèdes, le feu louche amoureux qui fuit des cadres sur ses idées sans tête, un sombre voluptueux, accompagné d'un traître, séparation. Thank you. sounds like fucking shit. Non, allez, c'est pas vrai. Arrête, t'es trop bon morceau, t'es où? Je sais pas, ouais, il y a une sorte de, d'effet bizarre, je sais pas ce que c'est. Bref. Anyway, pardon, c'était City Band, N'Golo Kanté, le fameux joueur de foot. Moi, je connais pas trop, je suis pas trop le foot. Plutôt le rugby, c'est, non plutôt rugby, d'après ouais. ce qu'on m'a dit. Ouais. Je suis plutôt rugby. J'ai honte, bien sûr. Parce que le foot, c'est le peuple. Le rugby, c'est les bourgeois. Mais même les bourgeois meurent. Ouais. Pff. Ok, et c'était City Band, donc, notamment avec Nate Davis qui tient la guitare rythmique, celle avec moins d'effets qu'on entend. Jean-Charles à la batterie et à la voix. Je sais plus qui à la batterie, sorti par Bruit Direct. Big up Freddy, Guy Mercier, pardon. Guy Mercier, Bruit Direct. Si tu nous écoutes. On aime beaucoup ce disque. Gros respect. Bravo. Gros respect. Gros love. Gros love. Voilà. On allait vers un autre continent. Quelqu'un qui est mort en 2001. 2001, le 2001. Jour de ton anniversaire. Le jour de mon anniversaire, encore une fois. On 16 novembre. On a commencé avec un poème daté. Annonciature. Annonciature. Alors, c'est DJ Screw. Mais là, c'est pas un morceau de DJ Screw, c'est un hommage. R.I.P. Shout. Shout out to Screw. Ouais. Donc c'est un hommage de ses copains. Ses copains. On voulait passer ça parce qu'on est allé à la boutique. La boutique DJ Screw à Houston, Texas. Houston, Southside. C'est un endroit très beau. Il y a beaucoup de t-shirts et surtout on peut acheter les CD gravés de Screw, de toutes ces tapes. Puis il y a des gens là qui a comme un petit musée, puis c'est très beau, c'est très morbide. À côté, il y a un bar mexicain, un strip extremely bar. Morbide. Un strip bar ouais, très rigolo. Mais ça fait pas partie, c'est juste sur le même parking. C'est très loin, voilà, il y a des petits souvenirs, il y a des peintures faites par des fans, c'est un endroit très beau pour les gens qui aiment les morts, c'est vraiment parfait. J'ai voulu acheter un masque quand il était trop cher. Ah oui, un masque anti-Covid DJ Screw. Il était pas mal. Ouais, mais c'était après, au moins c'est cher, $20. C'est le merch le plus cher. Parce que c'est du merch de cimetière, quoi. Let's go. This is to the all the rap world that was in good faith with my son DJ Screw. This is Papa Screw. My son, I always would love him and I always would miss him. But the people that I talk to tell me that Screw is in a better place now and he's looking down on us every day. And Screw want us to keep on going. We want Screw legend to continue and we're going to continue that in the future. We don't want Screw to be forgotten, and that's what we're trying to do every day. I think about him every day, and thanks to LD and all the screw-up cliques that I've been around, they've been very good to me. They have comforted me and consoled me when I was down, you know. When you lose a son, you know, it's hard to deal with that, but high of him for being the kind of kid he was. He helped everybody, and I taught Screw to love everybody, and that's how he got his start, you know, being kind and generous to people. And I know he's in a good place, and I want to thank everybody that's concerned about my son, and we always will love y'all for that. Hey, what's up, Screw? This your boy Lump. Nice asking me to come in here and say some things about you. There's not much you can say about a legend other than when he's not with us, he's most definitely missed. I miss you, Pimp. I'ma keep saying I miss you. You knew I loved you. That came from my heart. I miss celebrating them birthdays a day apart. And man, I done got so tired of crying about you being gone, pimp. I just remember you. And when I get upset, I get angry. I just pop in the tape, Southside holding. Anything, man, just press play. Like that boy Ball said, you resurrected. And man, I was at that concert last night for Cash Money. Hey boy, them boys showed you a lot of love, man, and they know that you was responsible for them being popped in Houston and jumping off nationwide, cause there wasn't nobody feeling them, but man, you did that. You made the whole world feel the South. You put the South on your back, and man, you just, you made them respect us, you made them feel us, and most importantly, dog, you kept focused. You know, everybody wanted to know why Screw wasn't trying to be the rich dude, wasn't trying to do this or trying to do that. What they didn't realize is that all you wanted to ever do, dog, was be a dope DJ. And in my heart, pimp, all the Kid Capris and the Funkmaster Flexes, they good, but you know what, pimp, you's a legend, cause you did something that they wasn't able to do. You innovated something, man. And for all them folks out there slowing down records and doing your thing, just remember where all this came from. Heck, Lil Earl, respect DJ Screw. It's only one, that'll never be another. And these big time boys, they helped put you on the map with this 3 in the morning. Now we doing this other thing, and I'm just glad to be a part of it. I miss you, pimp. And for all those out there that's just trying to go fast and hurry up, my homeboy told me something one day. I was trying to rush with him. He said, Lump, I'm real with this, man. I'm trying to screw the world. You ain't gonna be first the way you're going, so just slow down, baby. Slow down. So for that, man, I'm slowing it down and I'm paying attention and giving respect where respect is due to a living legend. Cause I love you, Screw. This one right here is for you, baby. Hey, it's the dead. It's LD in the house. Representing. Sitting over here looking at this poster. DJ Screw. King Screw. The man with the hands, 10 deadly fingers. What do you say down there, the legend? Yeah, man, you're a legend. You never forget what you did for us, bro. Yeah, you took me off the streets, you know what I'm saying? Stop hustling out there and start doing it with my music. And I still love you, man. And all that advice you gave me, everything you told me to do, I'm doing that, man. Yeah, you got a lot of DJs out here giving you the credit, you know. A lot of people on them for what you did out here, man. But you know, LDZ gonna always do that. For all you hoe-ass DJs out there talking that shit, you know who he is. I ain't gonna say no names, because if something happened to you, I don't want them to come looking for LDZ first. You know what I'm saying? First of all, Screw didn't die over no motherfucking overdose. Yeah, I'm talking about you. You know, Mr. Woodpecker looking at dudes and shit, talking all that goddamn shit and don't know what the fuck you talking about. You know what I'm saying? He didn't die from no fucking overdose. You know what I'm saying? And what he died from, gonna be in the light real soon. You know what I'm saying? There's just some hating ass people out here, but I like to say this to all the stars. You know what I'm saying? Never set your drink down. You know what I'm saying? Watch everything you're getting from people, because there's a lot of jealous motherfuckers out here that rather see you dead than bald. You know what I'm saying? Fuck all the motherfuckers that was talking that shit. You know what you can suck on. You know what I'm saying? And all up, I don't give a damn where you at. Everybody who talks shit, you don't know what the hell you talking about. Keep your fucking mouth closed about the legend. You know what I'm saying? And folks, I always say Screw selling dope. Screw selling dope. He wasn't selling no goddamn dope. Yeah, I'm talking to you, Drug Tech, Gang Force, all y'all. And the next dope fucking neighbor that ruined every motherfucking thing. You know what I'm saying? I'm talking about all you next dope neighbors. You know who I'm talking to, both of you bitches. You know what I'm saying? And Let me tell you something, he didn't have to sell no fucking dope. He was just selling so many fucking tapes. He didn't make no goddamn sense. You know what I'm saying? Hate it. And who was the other cocksucker that was in the magazine talking all that shit, talking about he used to be just around with a pocket full of money, gangster, fired and all this shit. You a damn liar. You hate to see a black man with a whole lot of fucking money or something? He didn't have to sell no rocks for it. Jealous motherfucker. Yeah, JT's after Heezy, aka Black Avelli. SUC for life. These boys out here all times, man. I just like to say, shit, it's one love, baby. We're gonna follow your footsteps, try to make it go down the way you want it to go down. It's a bunch of people perpetrating, you know what I'm saying? But due to the fact that you put it in their face like it is, it ain't gonna happen no other way than the way you want it to go down. This is JT, the man, signing out. I can't say too much on the subject, but he miss you and love you. That's straight up, my nigga. For sure. Yo, what's up? It's DJ Chill. Show you my love for my nigga, Screw. My partner worked himself to death, you know what I'm saying? He put in a lot of work, late nights. I mean, he did a lot of things to his body, you know, true enough. But, you know, all the fakers talking about he did this or he did that, my partner worked himself to death, man. That's true, man. My boy put a lot of work in, and he deserved the plaques and all the recognition all over the world that he's getting. And for all you ones that want to jump on the bandwagon, you have to really know him to understand him. You know what I'm saying? And that's much love from DJ Chill. Peace. It's Lil Troy, the baller himself, shot caller, you know what I'm saying? Known for calling the motherfucking shots. But I gotta give big ups to my nigga Screw, cause he put my little group back in the day. I had the song Southside on that motherfucking first album, Lil Kiki came out, right? He had that on the South Side, cause we all from the South motherfucking side. He put it down for me with that. Then he jumped off with that motherfucking Mass 187. Gangsta motherfucking strut. You know what I'm saying? That would help me get started. So I got to give a nigga all love and props, you know? Putting it down like he was up on the south side. Now, you know, I done went on from there. But Screw, we're gonna keep this shit going on for you, man. You keep screwing that shit down up there in heaven till we get there, man. All right? Yeah. You know what I'm saying? Coming straight from the studio, it's your boy, MC Wicked Cricket. Right out of Manhattan, New York, living here in Texas since 87. And I met my putting a little lick down, you know. We started DJing with Ray Barnett, DJing out the house. A lot of people ain't believe in it. You know what I'm saying? We just stop hating on each other, get together, and do a national thing with Screw every year. And peace out. Much love, Screw for life. Yeah, it's the DJD in here sending out my condolences to DJ Screw and his family, you know what I'm saying? The Screwed Up Clique and everybody south side and north side, you know what I'm talking about? From the worldwide clique. You know, this man paved the way for a lot of us, and you know, I'm just, you know, showing love and much respect for this boy. You know what I'm saying? So this worldwide Screwed Up Clique, from your boy DJD to DJ Screw. You know what I'm saying? You'll be missed, man. What's the deal? It's that boy Mac Nice, Clear Maiden Entertainment. Just wanna holler at my boy DJ Screw. Let it be known that we gonna miss you. And we gonna see you when we get there. To make a long story short, we put together a song for you. Feel this. Back, go, crack, rap, real. get paid out here though. Face, body is spilling, bed, and my mind is drifting off his face. Get my ass up, get paid, Wayne Yak. Gotta get paid, baby, with the slide on them trees, baby. Ben, AJ, gotta get paid, baby. Don't be JKZ, don't worry about it. Like they're coming from number 8, so sweet and Frasian, know the Caucasian, to make your pockets get in the way. I'm starving, but I charge it to the game till I come up. But when I'm bad, I sit back like I know the red on my ass, just proving to. Not to be capping, but it happens like they're coming from number 8, so sweet and Frasian, know the Caucasian, to make your pockets get in the way. From Houston to Nantes, Loire-Atlantique. From Houston to Nantes, Loire-Atlantique. Alors, je vais lire un poème de Pierre Jiquel. From Black to White. Grand poète de la Loire-Atlantique et d'ailleurs. From poverty to qui est mort, donc, alors lui, on... un an après Maya, décembre 2020, je crois. Alors, ça s'appelle... Merci, Mabouzeki. Les batailles. Les batailles, virgule, seules. Accordées au féminin. The hunts. Porte ton talon haut, sanglant et matinal dans chaque métropole. Impose-leur tes pleurs, ton rire, roué de coups, arrache-le à ton corps. Ta haine, rédige-la sur une page physique. N'hésite pas, plusieurs fois sur ta bouche, des hommes ont murmuré dans un frisson des mots que tu croyais qui t'emportaient, des mots que la lumière abandonnait. Plus tard, avec tes dents, tes souffles noircis, tu les auras chuchotés à ton tour, entre une insulte et un cri dans la mer. Un lieu désert, tu ne reviendras pas. Sur les talons moqueurs, aujourd'hui tu arpentes une terre où le noir heurte des fleurs inquiètes, des roses qui prononcent à midi leur amour. Tu t'éloignes et tu gifles. Étourdir le rappel. Courir dans les obstacles. Chevaucher les espèces. Inventer des fantômes ô maintenant échoués. Mais ne pas se résoudre. Mordre la chair volée. Offrir et s'échapper. L'enfance est un massacre, tu l'as dit. Tes doigts saignent dans les larmes de couture. Dans les visions, quand la mère se refuse, tout autour du berceau poussent les dents. Éclaboussé de rouge, quelques étoiles affichent complet au menu domestique. Il te faut l'enivrer avec délices jusqu'au dernier moment, lever le camp. Debout dans l'air, un ange. Et voilà. Merci. C'était Pierre Jiquel. Nantes represent. Nantes represent. Professor represent. Thank you. Work in Progress, le premier morceau Untitled 269. On va enchaîner sur le morceau Untitled 73. Entre Troyes, parce que en fait avant d'arriver en Italie. Mali, il y a tout un périple qui l'amène, notamment en Libye, chez Dino. Et donc, entre-temps, il perd son père en schisme, et donc il lui est sommé par les dieux, notamment Vénus, Aphrodite, qui est sa mère, d'aller retourner à son père en schisme. Donc il se fait accompagner par une prêtresse, consacré à Cérès et Idée, tenant encore ses rênes, encore ses armes. Ses âmes l'entourent à droite et à gauche en grand nombre. Il ne leur suffit pas de l'avoir vue une fois, elles ont plaisir à s'attarder, à suivre ses pas, à s'informer des causes de sa visite. Mais les chefs des Danaïns et les phalanges d'Agamemnon ont à peine aperçu le héros et ses armes resplendissant dans l'ombre, qu'ils tremblent en proie à une peur énorme. Les uns tournent le dos, comme jadis quand ils fuyaient vers leur vaisseau. Les autres poussent un faible cri, la clameur commençait à expirer dans leur bouche en vain, grande ouverte. Bon, j'arrête là en fait parce que... Ouais, mais il y a un passage que je cherchais, peut-être que je lirai plus tard. Ok. Il y a vraiment les âmes damnées qui subissent, qui s'en sortent pas comme ça. Bah oui, qui subissent l'enfer, c'est difficile. Voilà, ouais. Ceux qui ont mal, parce qu'en fait dans l'enfer il y a plusieurs univers, il y a les Champs-Élysées où les bons vivent normalement et tous les mauvais subissent des tortures jusqu'à la fin des temps. J'enchaîne avec un tout petit extrait parce que j'aime bien ce son pour faire des lectures, je trouve ça très bien et c'était tellement beau ce que tu as lu. Alors je reprends Le captif amoureux de Jean Genet, mais c'est un tout petit, un très très court. Une vieille palestinienne m'avait dit, deux points, ouvrez les guillemets, avoir été dangereux un millième de seconde. Avoir été beau un millième de seconde, être cela, cela ou heureux, ou n'importe quoi, puisse se reposer, et quoi de plus? Nous sommes restés quelques minutes à Oslo, peut-être. Occuper la Norvège, 16 ans, nous aurions gelé le monde. On a été raisonnable et dangereux, quelques secondes seulement. Merci. Tip top quoi, alors on fait quoi? On va mettre un autre morceau. Ok. J'envoie un truc et puis après. Vas-y, balance. Balance Nico Murer. Balance ton porc. Balance ton mort. Zik. Balance ton mort. Oui, balance ton mort. Oh là là. À Luc Todolo. This is not truth. It's too abstract. It's full of lies. Reality, you know. Facts, you know. Data, you know. Truth, you know. Bodies, you know. Knowledge, you know. Responsibility, you know. De l'opéra, un petit peu de auto-promo. Auto-promo, qui est le titre d'une belle expo qui s'est passée au Café des Glaces il n'y a pas si longtemps. Ah ouais? C'était quoi au Café des Glaces? L'expo de Bastien Cosson. Ah yes! Fait renommer auto-promo. Ah oui! Oh là là! Tous ces jumps que tu fais! Ouais. Plutôt que. Comment c'était? Ah, c'est quoi ce qu'on écoutait? Et c'était moi-même et pour un opéra, un opéra qui parlait aux morts. Ouais, qui parlait aux morts du sida. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, en toute simplicité. Et en toute modestie. Bon, alors on fait quelque chose là? Ben, je sais pas. Ah oui, on fait cause. Ah oui, j'ai un morceau de Joy Division. Ah voilà, très bien. Enterré à Macclesfield. 10th floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Le micro. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est cool. Joy Division, Disorder, n'est-ce pas? Ah bah c'est reparti. Ah bah tu peux lire les nids là. Mais en fait je retrouve pas le passage où les... Parce qu'après en fait... Après le passage que je viens de décrire, en fait, il va aux Champs-Élysées et bon, c'est un petit peu mais oui, chiant parce qu'il retrouve... On en a parlé déjà. Ouais. Enfin, entre nous, mais pas à la radio, mais il retrouve son père et c'est que les gens vertueux. Et en fait, après, il y a un... Dans les Champs-Élysées, il y a une sorte de... On peut aussi voir le futur, on voit les gens qui vont remonter à la surface de la Terre. Et donc, il y a une description de tous les empereurs de Rome, voilà. Mais en fait, je cherchais, il y a un passage très court qui décrit... Les morts et les et surtout ceux qui souffrent, quoi. Voilà. Donc, en attendant que je le retrouve, tu peux peut-être mettre un petit morceau de Grand Tabou, pourquoi pas. Ben ouais, si tu veux. Par exemple. Ou autre, hein, je sais pas, qu'est-ce que tu avais prévu? Bah, j'ai des trucs, mais ouais, je pensais qu'on pouvait pas abandonner Gangsta comme ça, toute seule. C'est marrant, parce qu'après tout ça c'est trop sérieux. Allez, vas-y. Bah, c'est le thème, hein. Alors, je balance. Witch Brew. Donc sur l'album qu'ont fait Gangstaboo et La Chatte très longtemps après le moment où elles sont apparues dans le milieu du rap, qui est la fin des années 90, mais ça c'est plus tard, je sais pas, début 2010, un truc comme ça. Allez. Cooking, you better beware, cause it's wicked and I would not play with you hoes. This shit is witch brew, my attitude is fuck you, you know. Had to bring it one more time, I love to make my haters sick. Laughing out loud, rolling with chatter, my niggas is down with the paying the honey, the hardest laboo in the south. The industry dudes make me sick sometimes, be acting like your shit don't stink like mine. But the nigga that I roll with, his ass got an Oscar. Fuck your opinion, I don't wanna be bothered. Everybody Everybody know the real G's move in silence. Everybody know that Rolex don't tick. Everybody know the possibility of violence. Everybody know that they don't wanna see me click. Most of the time in the studio fresh, cooking the poison, throwing the hex, getting some head high, and I pray that you bitches attest my gangsta. Hollow tips got you red, splitter, splatter like a painter. I don't wanna be like her, I don't wanna be like him. My me, bitch, no thank ya. My crystal ball showing I'm the queen. Bitch, bow down. I have the willpower to shut your whole world down. Hail Mary's quite contrary. How does your hatred grow? With skin of snake and rabbit bait, bait to hell. Rosemary, bloody cherries, what does your crystal show? Body rates and bloody fate, yeah, we're going straight to hell. Ding, no! It's murder and I'm murking these bitches. Might fuck the feds and kill up all these snitches. Gotta get your brain and stay about your business. Bust your head and leave you in these ditches. Murk you for no, we really wanna play with this bitch. Okay, got the gang, I'm a spice so you can get up. Women got killers on standby. Do a drive-by, make your mammy cry, cry. Nigga, buy red dot on your black eye. You gon' die if a train like you're my guy. You a lie, plus, plus I stay so high. In the sky, real bitches making move mine. That is I, anything that I want, nigga, I can buy. Everybody hate chat, bitch. And that is why every morning that I wake up, I'm looking in the mirror, laughing at myself cause I'm the one that they fear her. Open up my eyes, now my vision is clearer. She still talking shit, but they fuck her, I don't wanna hear shit. Tell the bitch she dead, she dead. Enough said, I done bought a new Ruger. Duke is a shooter. Mama told you killer be killed, I'm the tutor. So if your hoes wanna get stoned, up your ass got a gun, me and boo, we gon' bring this shit to you. Witch, I'm ratchet. Nigga break you and your pappy. If you make the wrong move, you gon' lose. Got the tools, if it's snooze, I'm trigger happy. Le passage de l'Énéide donc où il passe les forteresses où en fait les suppliciés, les mauvaises personnes subissent les affres de la souffrance. Donc en fait il croise, après le passage que j'ai vu, il croise un guerrier troyen qui a le corps en lambeaux en fait, voilà, et qui n'a pas pu être. Alors bon, pendant cet échange de propos, donc c'est les propos entre Aîné et donc Déiphobe, qui est un vaillant soldat troyen qui a été défiguré. L'aurore au quadrige de rose avait déjà dans sa course été retraversée la moitié du ciel. Oui, parce que le temps passe, il faut qu'il se dépêche. Et ils eussent peut-être passé tout le temps donné à prolonger un tel entretien si la Sibylle, sa compagne, n'eût averti le héros et ne lui eût dit brièvement « La nuit vient, Aîné, et nous passons les heures à pleurer. Voici l'endroit où la route bifurque, celle de droite conduit sous les murs du Grand Dix, c'est le chemin de l'Élysée, le nôtre, celle de gauche est le théâtre des supplices réservés aux méchants et mène aux Tartares impies. » Déiphobe reprend, ne te fâche pas, grande prêtresse, je vais m'en aller, je vais compléter la foule des ombres et rentrer dans les ténèbres. Notre gloire va, jouit d'un destin meilleur. Il n'en dit pas davantage et se détourna sur ses mots. Tout à coup, Aîné regarde derrière lui et voit à gauche, au pied d'un rocher, de larges remparts entourés d'un triple mur. Un fleuve rapide, le phlégéton du Tartare, les enveloppe de ses flammes torrentielles et roule des rocs retentissants. En face, une énorme porte et des colonnes d'acier massif, telles qu'humaines, ni les habitants du ciel eux-mêmes cédant du fer, ne pourraient les enfoncer. Une tour de fer se dresse dans les airs et Tisiphone y siège, sa robe sanglante retroussée gardant le vestibule nuit et jour sans dormir. On entend sortir de là des gémissements, des coups de fouet terribles, puis le bruit strident du fer et des traînements de chaînes. Enes est arrêté et terrifié écoute ce fracas. Quelle sorte de crime punit-on ici, ô vierge ? Dit le Moites, lui répondit chef illustre des Tossaires, des Troyens donc. Il m'est permis à aucun homme pur de franchir le seuil du crime. Mais Hécate, Junon, je crois, en me confiant la garde des bois sacrés de l'Averne, m'instruisit elle-même des peines établies par les dieux et me conduisit partout. Le Gnossien Radamante exerce en ces lieux son très dur pouvoir. Il met les fourbes à gel et de sa main gauche brandissant vers eux ses reptiles torves appelle la troupe farouche de ses sœurs. Alors seulement en grinçant sur leur gond avec un bruit horrible, les portes sacrées s'ouvrent. Tu vois quelle est la garde plus farouche encore, race antique de la terre, les titans renversés par la foudre, roulent au fond de l'abîme. Là j'ai vu aussi les deux fils d'Aloé, monstrueux géants qui essayèrent de forcer avec leurs mains le grand ciel et de chasser Jupiter de son royaume d'en haut. J'ai vu encore Salmonée subir de cruels châtiments, imitant les flammes de Jupiter, le fracas de l'Olympe, traîné par quatre chevaux et agitant sa torche. Il traversait en triomphateur les peuples des Grecs et sa ville du milieu de l'Élide et réclamait pour lui les honneurs des dieux fous, qui croyaient, en poussant sur un pont d'airain des chevaux aux sabots retentissants, contrefaire les orages et la foudre inimitable. Bon bref, voilà, c'est... Thank you. c'est le troisième album. Que je trouve particulièrement sombre et désespéré. Enfin, pas désespéré, mais ce qui habille bien cette soirée. Voilà. Cette soirée des morts. Oui. Oui. Voilà, plus que d'autres. Parce que les autres sont un peu plus. Ready sauce. Voilà, c'est les entretiens Grenoble le 31 décembre, 1er novembre. 1er novembre. Maintenant, on est le 1er novembre. Pour se rappeler, se remémorer. De toutes nos mortes, je vais lire un petit bout de L'île aux anneaux, ok ? L'île aux anneaux ? L'île aux anneaux, I. Bah, la fin de sa vie, elle s'appelait I. La seigneur des anneaux. Le seigneur des anneaux. Alors, un petit peu vers la fin, elle a écrit... Enfin, la fin de Mathematical Identity, Birth Chart. I have several names. I will give up my search for identity as a dead-end investigation. I will make myself empty to receive cosmic info. I will renounce, not seek fame, publicity, or success. Identity changes continuously as multiplied by time. Identity is a vector. Voilà. And then she disappeared. A victory. No, success is also funny because she writes it suck. Success. A victor. A vector. A vector. Vector is vector. Yes. Switch off my mic. Mark Van Fleet, voilà, qui est sorti sur Door Records. Ça fait deux fois que je parle de Mark Van Fleet, mais... Ouais, c'est bien, on a commencé avec lui et on finit presque avec lui. Sa production se prête. Voilà, c'était mixé et édité en 2012, donc original. 1979 Theatrical Release of Alien, pas le Director's Cut de 2003, turn down the volume. If an option, turn on the subtitles or closed captioning on your DVD player or VCR. Start playing the Alien version's cassette as soon as the film begins. Sound should begin when first credit appears on screen. Okay. After the scene when the alien bursts from Kane's chest, pause the film when the sound fades to silence. Fast forward the remaining blank tape on side. No, this is great. We can't stop it. We can't. On peut pas arrêter cette musique incroyable. We can. We can. Can fade out. Mais oui, parce que Mark Van Fleet est vivant, alors que bon. On peut encore jouer la musique de plein de personnes mortes, comme Kupstenika. DJ Paul, DJ Paul, DJ Paul, DJ Paul. je voulais juste donner toutes les années de disparition des personnes dont on a joué les morceaux. Et là, c'est 2015. That's it. Je vais mettre un morceau de Broadcast dont la chanteuse est morte il n'y a pas trop longtemps. Ibi, je sais pas. Ah bon? Mais je savais pas. 4 ans, 5 ans. Ok. The tears remain in me falling. A fading light falls fairly white in me the night has stopped calling. The sky, the long of your night on the inside. can say it out. Alors, laisse-moi juste rectifier. En fait, je pensais que Morphed, c'est Christine McVie qui faisait partie de Fleetwood Mac. Et pour l'anecdote, Mick Fleetwood a demandé à Lindsey Buckingham de joindre son groupe parce qu'il l'avait rencontré dans un studio, et Lindsey Buckingham m'a dit « Ok, mais tu prends aussi ma copine Stevie Nicks. » Et donc là, c'était un morceau de Buckingham Nicks. Voilà, qu'ils ont enregistré tous les deux. Mais en fait, la personne morte, la femme de Mick Fleetwood. Mick Fleetwood. Yes. Et il y a le quatrième dont je me souviens plus le nom. Oh, c'est très bien, là, ce petit... Ouais, mais après, il chante et ça ne dure qu'une minute. C'est très très bien. Alors, je vais lire un poème de mon père, Daniel Reynaud, qui s'appelle « Trajet de la mort ». Comme tous les poèmes de mon père, il est assez court, donc pas d'inquiétude. Ce presque bleu du sang qui trace ses deltas et ses nervures d'orchidée à tes poignets. Le voilà déjà qui se roule doucement. Tu t'absentes parfois de ta chair et tu t'en vas. Loin de tes seins et de tes lèvres. Je comprends rien. Ah oui, loin de tes seins et de tes lèvres te cacher jusqu'où le silex bat plus fort qu'un cœur d'enfant. Et mon amour connaît la fin de ce mystère, mieux verrouillé de mes bras, en femme nue taillée dans la peau des rivières. J'ai pas trop compris ce poème, mais bon. C'est marrant, ça s'appelle Trajet de la mort. Le son de ton ordi, c'est rigolo. Ouais, c'est super, ben j'aime bien justement, il faut qu'il y ait un petit fond. Gracias Nico, play a song. Ce sera le dernier morceau, je n'ai pas bien prévu là, et il sort nulle part. Allez, on a qu'à mettre ça. Merci à tous. Ah oui, tu veux qu'on mette le Kinder Tutonida? Merci à tous, Nico. Pour ce soir. Oui, moi aussi. Et je vous en remercie, vous qui avez écouté cette émission. Vous et toutes vos bonne mortes. Vie. Voilà. Et n'oubliez personne.